Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un fait divers, Made in Erasmus, l'affaire Amanda Knox. Cette version trash de l'auberge espagnole se déroule lors d'un échange universitaire à Perugia, en Italie. Pérouse, comme disent les Français. Dans les rôles principaux, l'anglaise Meredith Karcher et surtout l'américaine Amanda Knox. Des colocs d'à peine 20 ans qui découvrent la Dolce Vita version Erasmus, Spritz en Apéreurs, quelques joints, des garçons aussi. Ainsi, jeunesse se passe dans l'euphorie et une bonne dose d'insouciance jusqu'à cette nuit macabre du 1er novembre 2007. Meredith est retrouvée égorgée. La comédie pour teenagers tourne alors au film d'horreur. Du sang, mais aussi un peu de sexe, et surtout des jolies filles. Alors la presse à scandale s'empare immédiatement de l'affaire, qui deviendra bientôt un véritable feuilleton judiciaire. Tuerie satanique, rituel vaudou, les gros titres s'en donnent à cœur joie. Amanda Knox devient alors la diabolique. Mais au fait, est-elle coupable ou innocente? Si la justice a fait son choix, en 2015, très contesté d'ailleurs, le web entretient le débat. Un engouement macabre qui interroge et qui dérange aussi. Pourquoi ce fait divers et pourquoi les faits divers nous passionnent-ils autant? Notre invité aujourd'hui, l'écrivain Didier Decoin, auteur du Dictionnaire amoureux des faits divers, publié en 2014 chez Plomb. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Perugia 2007, 162 000 habitants, dont plus de 36 000 étudiants. Parmi eux, 8000 étrangers de 150 nationalités différentes. Au cœur des collines verdoyantes de l'Ombrie, c'est une destination idéale pour les étudiants d'Erasmus et leurs homologues extra-européens. L'apéritivo dans les bars du centre historique, la promediata de 18h, les places noires de monde la nuit, l'Italie quoi. Et pour convaincre les parents, Perugia est l'une des plus vieilles universités d'Europe. C'est donc la ville où Meredith Karcher, mais pour ses proches, doit passer un an. La jeune Anglaise, 21 ans, étudiante à Leeds, au Royaume-Uni, est arrivée le 20 septembre, il y a un mois et demi, mais elle a déjà ses habitudes. Les dîners avec ses copines, Amy, Jade, Sophie, Hélène, Robin, un verre de temps en temps dans les pubs de la ville, un pub, et un petit ami italien, Giacomo. Elle vit à deux pas de la fac, Meredith, dans une grande maison divisée en plusieurs appartements, adossée à une colline arborée. Via della Pergola 7, très maison du bonheur tout ça. Bientôt maison du cauchemar. Dans les autres chambres, il y a deux italiennes, Filomena et Laura, et une américaine, Amanda, 21 ans également. Étudiante en langue à l'université de Washington, elle a fait ses classes chez les jésuites avant de s'envoler pour un échange d'un an à Pérouse où elle vit depuis le mois d'août. Blonde aux yeux bleus, le nez en trompette, elle semble tout droit sortie d'une sitcom américaine. Une jeune fille fêtarde, extravertie, qui s'entend plutôt bien avec sa coloc. Bref, la brune Meredith et la blonde Amanda, comme dans un film de David Lynch, partagent leur salle de bain, les repas et beaucoup de confidences. Oh, elles ne sont pas encore les meilleures amies du monde, mais une complicité réelle se noue au fil des semaines. Ce jeudi 1er novembre 2007, les Erasmus de Pérouse se remettent de leur soirée de la veille. C'était Halloween, l'occasion, s'il en faut, d'aller faire la fête. Meredith Karcher dîne, puis regarde un film chez l'une de ses copines anglaises. Fatiguée, elle rentre vers 21h avec son amie Sophie, qui la laisse à quelques centaines de mètres de chez elle. Elle ne la reverra plus jamais. Le lendemain, en effet, vendredi 2 novembre, à 12h51, la police de Pérouse reçoit cet appel. Allô, bonjour, quelqu'un est entré en cassant la fenêtre. Il y a beaucoup de désordre et une porte fermée. C'est au numéro 7 de la rue della Pergola à Pérouse. C'est un groupe d'étudiantes qui vit là. Donnez-moi le nom et le numéro de téléphone d'un des locataires. Amanda, nom de famille, K-N-O. O-X. Il y a eu du vol ? Non. Donc en gros, ils sont entrés, ils ont cassé la fenêtre. Comment vous savez qu'ils sont entrés ? Ça se voit, il y a des taches de sang dans la salle de bain. Ils se sont coupés en cassant la fenêtre ? Allô ? Le garçon qui parle, c'est Raffaele Sollecito, le petit ami italien d'Amanda Knox. Quand la police arrive à Della Pergola, il est avec Amanda devant la porte de la chambre de Meredith, fermée de l'intérieur. Il y a aussi les colocataires italiennes, Filomena et Laura, leurs amis Luca et Marco et deux agents de la ville. Par hasard, ils sont venus rapporter les téléphones de Meredith Kercher, retrouvés dans un jardin tout proche le matin même. C'est Luca, le voisin et copain, qui va alors enfoncer la porte de la chambre d'un seul coup d'épaule. Immédiatement, les policiers de la brigade mobile de Pérouse, qui sont arrivés entre-temps, évacuent et sécurisent la maison. Sur le carrelage de la chambre, gît le corps dénudé de Meredith Kercher, recouvert d'un duvet taché de sang. Meredith est morte, poignardée de 47 coups de couteau, la gorge tranchée. Dehors, les premiers journalistes arrivent. Et bientôt, le nom de la victime, Meredith Kercher, est oublié au profit d'un autre, celui de sa colocataire, celle qu'on appellera la diabolique. Que s'est-il passé dans cette colocation étudiante ? D'emblée, le procureur général qui se charge de l'enquête, Giuliano Minini, écarte la piste du cambriolage qui tourne mal. Certes, la porte de la maison a été forcée, deux cartes de crédit et 300 euros ont été volés, et une fenêtre cassée. Mais pour les enquêteurs, c'est une mise en scène. Ils en sont vite convaincus. Celui ou celle qui a tué Meredith Kercher connaissait sa victime. Rapidement, le procureur va soupçonner Amanda Knox, la colocataire américaine, celle qu'on appellera très vite la diabolique. Certes, c'est elle, sans nouvelle Meredith et devant sa porte fermée à clé, qui a donné l'alerte. Mais ne dit-on pas justement que l'assassin revient toujours sur le lieu du crime ? Quant à Giacomo, le petit copain de Meredith, et les deux autres colocataires, Filomena et Laura, ils ont tous de solides alibis. Deux jours après le meurtre, le procureur Minini amène Amanda Knox sur les lieux du crime. Ils s'en souviennent tous les deux dans un documentaire de Ryan McGinn et Rod Blackhurst, produit par Plus Pictures en 2016. Le jour d'après, ils m'ont emmené chez moi. C'est la première fois que je revenais depuis que la maison avait été fermée en tant que scène de crime. Ils m'ont mise devant le tiroir à couteau pour voir s'il en manquait. En fait, ils me demandaient de vérifier s'il ne manquait pas l'arme du crime. J'ai compris d'un coup et je suis devenue hystérique. Elle a commencé à se taper la paume des mains contre les oreilles. Comme si elle se souvenait d'un bruit ou d'un cri. Le cri de Meredith. Évidemment, j'ai commencé à avoir des doutes. Après les premiers examens post-mortem, Meredith Kercher est morte entre 21h et 23h ce jeudi 1er novembre. Également violée, elle a succombé à une hémorragie provoquée par un couteau. Mais Amanda Knox, d'abord entendue comme témoin, dit avoir un alibi. Raffaele Sollecito, blondiné à petites lunettes, de son propre aveu un peu anxieux, l'étudiant en informatique de 23 ans n'est pas un cliché d'italien, mais il plaît beaucoup à Amanda. Les deux amoureux qui se sont rencontrés une semaine auparavant à un concert de musique classique, du Schubert, ne se quittent plus. L'idylle est récente, mais passionnée, et Raphaël dira « Amanda, c'est mon premier amour ». Ce soir du 1er novembre, comme le raconte Amanda à la police, il regarde un film chez Raphaël et en fumant un joint, puis il s'endorme. Amanda est ravie, car à l'origine, elle devait travailler ce soir-là. Patrick, le patron du bar où elle fait des extras, l'avait prévenu par texto plus tôt dans la soirée, il n'avait pas besoin d'elle. Le lendemain avant midi, Amanda passe prendre des affaires chez elle. Elle doit partir en week-end à la campagne avec Raphaël. À la maison, personne. Elle s'explique dans le documentaire de Brian McGinn et Rod Blackhurst. Les parties communes étaient normales. Ma chambre était normale. En bordel, mais normale. Je me suis déshabillée. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai remarqué qu'il y avait des gouttes de sang dans le lavabo. Mais c'était juste quelques gouttes de sang. J'ai pas fait attention. Je me suis brossé les dents. J'ai pris une douche. Et c'est quand je suis sortie de la douche que j'ai remarqué une plus grosse tache de sang sur le tapis de bain. Comme elle le raconte au policier qui l'interroge, Amanda se douche sans trop s'inquiéter, après tout, quelqu'un a pu se couper. Mais alors qu'elle se sèche, elle remarque que la chasse d'eau n'est pas tirée. Pas le genre des colocs. Et puis surtout, la chambre de Philomena est sans dessus-dessous et celle de Meredith est fermée à clé. Bizarre. Dans l'heure qui suit, Amanda appelle Meredith en vain, puis Raphaël et ainsi que sa mère aux États-Unis et sa colocataire Philomena, jusqu'à ce que le corps soit découvert en présence de la police vers 13h15. Son petit ami Raphaël les confirme, le soir du meurtre, ils se sont bien endormis ensemble, chez lui. Mais le 5 novembre soir, 3 jours après le drame, surprise, Amanda Knox signe un procès-verbal des plus étonnants. Elle affirme que c'est Patrick Lumumba, le patron du bar où elle travaille, qui a tué Meredith dans sa chambre après l'avoir violée. Elle-même, Amanda, alcoolisée, shootée au hache, aurait tout entendu depuis la cuisine de la colocation. Dès le lendemain, Amanda Knox se rétracte. Ses aveux ont été extorqués, dit-elle, obtenus sans avocat ni interprète, au terme d'un interrogatoire de 14 heures durant lequel elle aurait été maltraitée. Choquée, épuisée, elle explique avoir cédé à la pression des enquêteurs qui lui auraient demandé d'imaginer ce qui aurait pu se passer, donc au conditionnel, donc des suppositions. Étrange interrogatoire, durant lequel Amanda Knox livre une possible version des faits qui serait alors un véritable scénario de film d'épouvante. Le 6 novembre 2007, Amanda Knox, Raffaele Sollecito et Patrick Lumumba, le propriétaire du bar où la jeune fille travaillait, sont arrêtés pour complicité de meurtre et violence sexuelle. Voilà, caso chiuso. L'affaire est close, déclare Oreste Volturno, l'inspecteur chargé de l'affaire, lors d'une conférence de presse seulement 5 jours après le meurtre. Nous sommes extrêmement tristes de la mort de cette jeune fille, mais la police de Pérouse est aussi fort satisfaite d'avoir trouvé des réponses qu'on ne pensait pas forcément trouver aussi vite. La presse nous a mis la pression et nous avions la responsabilité de trouver une réponse sûre et rapide. Je ne peux suffisamment remercier tous ceux qui nous ont fait la preuve de leur professionnalisme et de leur engagement moral. À la mi-novembre, les premiers résultats des tests ADN tombent. Un couteau de cuisine trouvé chez Raphaël et Sollecito porte l'ADN d'Amanda Knox sur le manche et celui de Meredith Kercher sur la lame. Aucun doute pour les enquêteurs, c'est bien l'arme du crime. Ça paraît clair, effectivement. En revanche, rien ne prouve qu'Amanda, Raphaël et ou Patrick Lumumba soient entrés dans la chambre de la victime, car leur ADN n'est nulle part. Bon, peut-être ont-ils tout nettoyé, ça pourrait coller, mais ça reste étrange. Car un autre ADN est retrouvé partout dans la chambre, sur la victime et, pardon, dans la victime. L'ADN de Rudy Guédé, un jeune homme connu des services de police pour des petits cambriolages. Né en Côte d'Ivoire, il vit depuis ses 5 ans à Pérouse, où il fréquente beaucoup d'étudiants étrangers. Et le lendemain du meurtre, il a justement quitté la ville. Le 19 novembre 2007, Rudy Guédé va donner sa version des faits à un ami en Allemagne où il dit s'être réfugié de peur d'être accusé à tort. Il est enregistré. Le soir du meurtre, explique-t-il sur Skype, il s'est effectivement rendu chez Meredith, qu'il avait rencontré la veille, dans un pub. Ils auraient eu un rapport sexuel, sans pénétration, consenti, puis il serait allé aux toilettes. Je suis allé aux toilettes 5 minutes et je l'ai entendu hurler super fort. Tellement fort que si quelqu'un passait dans la rue, il l'aurait entendu. Je me suis inquiété, je suis sorti des toilettes, le pantalon sur les chevilles. Quand je suis sorti, on était à moitié dans le noir et j'ai vu un type de dos. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ces personnes étaient plus grandes que moi en taille. J'ai vu Meredith qui saignait, il lui avait tranché la gorge. Extradé vers l'Italie le 6 décembre 2007, Rudy Guédet confirme cette version des faits au procureur Minini. Il s'est ensuite battu avec l'agresseur de Meredith, un Italien, précise-t-il. Puis il a essayé de sauver la jeune femme avant de s'enfuir, paniqué. Par la fenêtre, il a également aperçu la silhouette d'une jeune femme. Un garçon et une fille, peut-être Raphaël et Amanda. Patrick Lumumba, accusé à tort par Amanda Knox, est finalement libéré et innocenté à 100% après 2 semaines d'incarcération. À sa sortie, il porte plainte contre elle pour calomnie. Le 14 décembre, Meredith Kercher, 21 ans, est enterrée à l'église de Croydon, dans le sud de Londres. 300 personnes assistent à la cérémonie. À Pérouse, pendant ce temps, l'enquête avance, très bien même. En tout cas, aux yeux de la police italienne et du procureur Minini. Il en est certain. Rudy Guédé, Raffaele Sollecito et Amanda Knox, ces trois-là sont coupables. La science le prouve, l'ADN a parlé. Enfin, le 18 décembre, 46 jours après les faits, on découvre celui de Raffaele sur la tache du soutien-gorge de la victime. Ça fait beaucoup, certes, mais pourquoi ces trois-là auraient-ils tué ensemble la jeune Meredith? Le procureur Giuliano Minini a son idée. Il imagine même un scénario très précis qu'il raconte dans le documentaire de Brian McGinn et Rod Blackhurst. Amanda était une fille très désinhibée. Elle ramenait des garçons chez elle. Ce que m'ont dit les amis de Meredith m'a convaincu qu'il n'y avait pas plus différente que Meredith et Amanda. Imaginez ce soir-là, Meredith qui voit arriver chez elle, à l'improviste, Amanda, d'accord, mais aussi Raphaël et Rudy. Elle a sûrement dû exprimer un jugement moral négatif envers Meredith, de façon explicite. Amanda a dû se sentir humiliée, blessée. Ah, tu me juges ma moralité comme ça, aussi sévèrement? Tu vas voir ce qui va t'arriver. Selon le procureur Minini, la dispute d'Amanda et de Meredith se transforme ensuite en jeu sexuel sadique. Une orgie sordide dont Amanda Knox, visage d'ange, cœur de démon, aurait été la commanditaire. Car le procureur, fervent catholique et père de 4 filles, le sait, il le sent, c'est Amanda, diablesse manipulatrice et droguée de surcroît, qui aurait convaincu les deux garçons à ses pieds de violer puis de tuer sa colocataire. Qu'Amanda soit coupable ou non, la théorie du jeu sexuel sous substance illicite ne repose sur aucune preuve. Amanda a des penchants anarchoïdes, c'est le mot qu'emploie Giuliano Minini pour dire qu'elle est un peu délurée et qu'elle fume des joints. Anarchoïde, donc elle a tué. Logique. Un raccourci qui va plaire à la presse à scandale, et en particulier aux journalistes italiens et britanniques. Rapidement, ils vont trouver dans la vie d'Amanda de quoi nourrir sa sulfureuse réputation. Il y a d'abord cette photo qui date du 2 novembre 2007. Alors que le corps de Meredith vient d'être découvert, Amanda embrasse Raphaël et sur la bouche. Un baiser choquant, forcément sexuel et pervers, estiment certains journalistes, mais aussi, et bien sûr, le procureur Minini, jamais en retard d'une indignation. Le couple y gagne un surnom digne des meilleurs films d'horreur, les Diaboliques de Pérouse. Et tant pis si les deux amoureux, sous le choc, cherchaient juste un peu de tendresse. Sur le web, des internautes enquêtent, eux aussi. Alors on exhume cette photo, Amanda rit aux éclats, une fausse arme dans les mains. On compte les amants qu'elle a eus, 7. Son beau-père, remarque-t-on, a 12 ans de moins que sa mère, ce qui a pu traumatiser le développement sexuel de la jeune fille. Amanda, mangeuse d'hommes, orgie meurtrière, rituel vaudou, titre le Daily Mail. Le journaliste Nick Pizza, qui couvre l'affaire pour le conservateur tabloïd britannique, rejette la faute sur la police. Au final, c'est la faute de la police et de l'accusation. Ils ont fait des erreurs terribles. Ils étaient obsédés par des théories folles. Avec le recul, certaines informations semblent dingues. C'était de la pure invention. Completely made up. But hey, what are we supposed to do? Mais qu'est-ce qu'on devait faire? We are journalists. On est journalistes. On écrit ce qu'on nous dit. C'est pas comme si je pouvais dire. Attendez, je vais revérifier l'info ailleurs. Je laisserai mon rival arriver avant moi et je perdrai un scoop. And then I'll let my rival get in there first before me. And then hey, I've lost a scoop. Amanda Knox fait fantasmer, Amanda Knox fait vendre. Pour le journaliste Nick Pizza, c'est tout ce qui compte. Un procès en sorcellerie version presse à scandale qui en ferait presque oublier les deux autres accusés, Raffaele Sollecito, son petit ami, mais aussi Rudy Guedet. But I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you're at home every day. I don't beg, I don't borrow, I steal. Rudy Guedet, inculpé tout comme Amanda Knox et Raffaele Sollecito, fait l'objet d'une procédure à part, dite abrégée. C'est son avocat qui l'a voulu ainsi, notamment pour lui éviter de faire face à Amanda et Raffaele que Rudy Guedet, rappelons-le, accuse du meurtre. Le motif, avance-t-il, c'est une dispute pour de l'argent qui aurait dégénéré pendant qu'il était aux toilettes. Mais son ADN l'accable. Et le 28 octobre 2008, il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, puis à 16 ans en appel pour viol et complicité d'homicide. Oui, complicité, car les analyses post-mortem suggèrent que la victime a été agressée par au moins deux personnes. le 16 janvier 2009, après plus de deux ans après la mort de Meredith Kercher, c'est au tour d'Amanda Knox et Raffaele Sollecito d'être jugés par la cour d'assises de Perugia. Pour le parquet, qui reprend les conclusions de l'enquête coordonnée par le procureur Minini, Amanda Knox aurait porté le coup fatal à la victime, tandis que Raffaele Sollecito et Rudy Guédé maintenaient Meredith immobile. Et ce sont des analyses de la police scientifique que l'accusation tire ses certitudes. L'ADN d'Amanda sur la supposée arme du crime, l'ADN d'Amanda dans la salle de bain mêlée au sang de la victime, et l'ADN de Raffaele sur le soutien-gorge de Meredith, de lourdes charges. L'autre argument coup de poing d'accusation, ce sont deux témoins qui remettent en cause l'alibi du couple. Amanda, qui dit avoir passé la nuit avec son petit ami, aurait été vue dans une épicerie à 7h du matin. Il y a enfin les souvenirs parfois flous et incohérents des deux accusés, puis bien sûr, cette personnalité trouble d'Amanda dont l'accusation veut faire la preuve. Elle raconte à Maryse Burgot sur France 2. On me traitait de diable, de diabolique de Pérouse, de Judas, de menteuse, de sorcière. Lire ça dans un tabloïd, c'est une chose. L'entendre dans un tribunal, alors que vous vous battez pour votre vie, c'est différent. Comment vouliez-vous que je me défende contre tant de haine ? Quand les gens ne vous posent aucune question, ne remettent rien en cause et acceptent simplement cette image diabolique, qu'est-ce que je pouvais faire ? Les gens s'étaient déjà forgé leur opinion sur moi et rien de ce que je pouvais dire ou faire ne comptait. Pour eux, tout ce que je disais sonnait faux. Est-ce que vous avez tué Meredith Kercher ? Meredith Kercher, non. Pour la défense, il s'agit d'abord de redorer l'image d'Amanda Knox. Durant le procès, la présumée perverse fait petite fissage. Coiffée de tresses, chargée de stress, le sourire doux, elle porte un t-shirt qui clame « All you need is love », offert par son papa. Elle explique à la barre, fébrile mais assurée, s'il a d'abord accusé à tort un innocent, c'est parce qu'elle a perdu pied lors des interrogatoires. Quant à la froideur qui lui est reprochée, certes, c'est une réaction peut-être étrange face à la mort, mais c'est sa réaction. Ses avocats, eux, tiennent un argument solide. Sur les lieux de crime, l'ADN d'Amanda Knox n'est absolument nulle part, tout comme celui de Raffaele, et il semble impossible qu'ils aient pu faire disparaître leurs traces en nettoyant celles de Rudy Guédé. Quant aux empreintes retrouvées sur le couteau et sur le soutien-gorge, l'expert Bruce Bardole, ancien du FBI, considère qu'elles peuvent être le résultat d'une contamination accidentelle. Mais le procureur Minini, qui n'aime pas les jeunes gens dévergondés, refuse de joindre cette expertise au dossier. Le 4 décembre 2009, à minuit, c'est l'heure du verdict pour Amanda Knox et Raffaele Sollecito. Le juge Giancarlo Massei fait d'abord sortir une partie des journalistes, trop nombreux, puis prononce la sentence sous le crépitement des flashs. Colpevoli, coupable. Raffaele Sollecito et Amanda Knox sont condamnés à 25 et 26 ans de prison. Il raconte dans une enquête diffusée sur France 2. Je n'aurais jamais pensé qu'il me condamnerait car je n'ai rien fait. Je n'aurais jamais pensé qu'une cour de justice puisse me déclarer coupable. Même dans le pire des scénarios, je n'étais pas préparée à entendre en italien coupable. Je me suis retrouvée du jour au lendemain, pendant près de six mois, à l'isolement. Puis on m'a mis dans un quartier de haute sécurité, où la liberté est beaucoup plus limitée que dans une prison normale. Pour moi, ma vie était alors totalement anéantie. Octobre 2011. Voilà 4 ans maintenant que Meredith Kercher, 21 ans, est morte, égorgée, violée. Dans la prison pour femmes de Pérouse, à 10 000 km de chez elle, Amanda Knox rêve d'acquittement, tout comme son ex-petit ami Raffaele Sollecito. Car un procès en appel va avoir lieu. Il se trouve qu'au début de l'été, deux experts médico-légaux indépendants ont rendu des conclusions qui peuvent tout changer. Selon eux, la police scientifique de Pérouse a commis à l'époque de l'enquête des erreurs monumentales au moment du prélèvement et de l'analyse des échantillons ADN. Les preuves scientifiques ne sont pas fiables, car elles ont été possiblement contaminées. Quant aux témoins, la défense estime qu'ils sont trop inconstants pour être fiables. Par ailleurs, dans des échos téléphoniques, Rudy Guédé, le troisième condamné dans le meurtre de Meredith Kercher, affirme que Raphaël et Amanda n'étaient pas présents le soir du meurtre. Bref, Amanda Knox et Raphaël et Sollecito y croient. Cette fois, l'acquittement est possible, probable même. À la barre, des sanglots dans la voix, l'accusée américaine se défend dans un italien qu'elle a eu le temps de peaufiner en 4 ans de prison. La jeune fille aux joues rondes est devenue une jeune femme. Moi, j'insiste. Après 4 ans de désespoir, mon innocence, notre innocence, parce qu'elle est vraie, elle mérite d'être connue. Je veux rentrer à la maison. Je veux retrouver ma vie. Je ne veux pas être puni, privé de ma liberté, de mon avenir, pour quelque chose que je n'ai pas commis. Parce que je suis innocente. Derrière Amanda Knox, c'est tout un pays qui croit à son innocence. Son pays. Car aux États-Unis, la jeune femme bénéficie d'un immense support, à la fois médiatique et populaire. Groupe Facebook, concerts de soutien, donations. Pour les Américains, Amanda Knox n'est pas la sorcière diabolique que les médias britanniques décrivent, mais le symbole de l'erreur judiciaire. En tout cas, le 3 octobre 2011, ce sont près de 500 journalistes qui attendent le verdict de ce procès hyper médiatisé. Le palais de justice est comme un état de siège. Après 1448 jours de détention préventive, Amanda Knox et Raphaël Sollecito sont acquittés. Vergogna, la honte, scande la foule rassemblée dehors, qui dénonce l'influence de la pression médiatique sur le jury. Et tandis qu'Amanda Knox libre s'envole immédiatement pour Seattle, l'accusation annonce déjà un pourvoi en cassation, car les magistrats ne lâcheront pas. Rudy Guédé, condamné en 2008, avait des complices. Amanda Knox, un nom et un visage célébrissime aux États-Unis. Une femme enfant devenue star malgré elle. Cette américaine de 25 ans a passé 4 ans en prison en Italie pour un crime très médiatisé qu'elle a toujours nié. Et bien sûr, son histoire vaut de l'or. 3 millions d'euros d'avance sur recette pour un livre publié en 4 langues. Elle y raconte notamment ce jour de l'acquittement. C'était... Je n'arrivais pas à croire à cet acquittement. C'était un sentiment d'immense soulagement, de joie. C'était l'explosion de toute cette tension que j'avais accumulée en moi pendant 4 ans en prison. Je me suis effondrée. $3,800,000, c'est ce qu'a reçu au total Amanda Knox pour son autobiographie publiée en avril 2013. Une somme qui doit, dit-elle, rembourser les dettes contractées pour sa défense. Celle qui désormais est une tranquille étudiante en journalisme dénonce dans son livre le masque de perverse dont on l'a affublé. Ses détracteurs critiquent, eux, une démarche vénale pour ramener l'attention sur elle. Raphaël est l'ex-petite amie d'Amanda, lui aussi acquitté en 2011, est devenu informaticien. Mais il peine à sortir de la dépression dans laquelle l'ont plongé 4 ans de prison. Et ce n'est pas fini. Le 30 janvier 2014, le jeune homme est condamné une deuxième fois pour complicité d'homicide par la Cour de cassation de Florence. 25 ans de prison, soit 3 ans de moins qu'Amanda Knox, elle aussi jugée coupable lors de ce troisième procès. Raphaël Sollecito assiste à l'audience, mais la jeune femme est restée aux États-Unis, d'où elle ne peut pas être extradée. Déterminée, elle l'affirme à la télévision américaine. « Je ne retournerai pas de mon plein gré en Italie. Je me battrai jusqu'à la fin car je suis innocente. » Pour elle et pour son ancien petit ami, la bataille judiciaire reprend. Car qui dit nouvelle condamnation dit nouveau recours en appel. Et lors de ce, quatrième procès, la décision de la justice italienne va surprendre. Ce matin à Seattle, son pas est encore hésitant. Cheveux courts, visage d'enfant, Amanda Knox semble soulagée. Jugée pour meurtre, elle vient d'être définitivement acquittée. Tout ce que je veux dire, c'est que je suis infiniment reconnaissante pour cette justice qui m'est rendue, pour le soutien que j'ai reçu de la part de tout le monde, ma famille, mes amis. Vous avez sauvé ma vie. You saved my life. Le 27 mars 2015, la justice italienne acquitte définitivement Raffaele Sollecito et Amanda Knox, tout en confirmant la condamnation pour diffamation de la jeune fille qui avait accusé à tort un innocent en 2007. Le président de la Cour de cassation parle d'erreur et de trous dans l'enquête qui auraient été masqués par une certaine tendance à la spéculation de la part des enquêteurs de l'époque. Et en particulier du procureur Minini. L'intuition, dit-il, ne peut remplacer une preuve. Car si des doutes persistent quant à l'emploi du temps des deux acquittés le soir du meurtre, rien ne prouve, et répétons-le, qu'ils aient tué Meredith Kercher. Pour la famille de Meredith et pour tous ceux qui croient en la culpabilité d'Amanda Knox et de Raffaele Sollecito, cette décision laisse un goût amer. Mais enfin, pourquoi innocenter après avoir condamné deux fois, en 2011 puis en 2014? Et pourquoi innocenter d'éventuels meurtriers quand le doute subsiste? Mais pour le camp adverse, celui de la justice, celui de l'état de droit, c'est justement parce que le doute subsiste qu'il faut innocenter. When I look out my window, many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be. They're strange, so strange. It's very strange to me. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Every stitch, oh no, must be the season of the witch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch. When I look over my shoulder, what happens, love? What do you think I see? Mm-hmm. Some other cat looking over, over his shoulder. Mm-hmm. And he's strange, so strange. He's very strange to me. Thank you. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Amanda Knox, avec notre invité, l'écrivain Didier Decoin. Bonjour. Bonjour Fabrice Drouel. Au téléphone en direct, auteur du dictionnaire amoureux des faits divers, publié en 2014 chez Plon. Dites-moi, quand on écrit un dictionnaire des faits divers, c'est choisir quelques histoires dans un océan de possibilités, et évidemment, n'empêche que Amanda Knox a trouvé une place. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette histoire ? Alors écoutez, je vais être tout à fait franc avec vous. La première chose qui m'a interpellé, c'est la beauté d'Amanda, parce que c'est d'ailleurs ce qui lui a coûté si cher. C'est une fille qui est absolument ravissante. C'est une sorte de, c'est une héroïne de conte de fées et qui tombe dans, aux mains de fées Carabosse. C'est vraiment, moi, elle m'a séduit. Bon. Parce qu'elle était très jolie, mais aussi par son désespoir devant ce qu'on lui faisait subir, devant la façon dont elle était presque persécutée par une justice trop pressée, s'organisant mal, etc. Amanda Knox, c'est non seulement une innocente, mais c'est une victime. Et c'est parce que c'est une victime que je me suis intéressé à elle. Alors, ça sous-tend l'idée aussi que si des faits divers sont intéressants pour l'histoire qu'ils racontent, ils sont d'abord intéressants par les personnages, les protagonistes de l'histoire. Et si l'affaire Amanda Knox était un film, par exemple, qui aurait pu le réaliser ? Dans quel univers on est, là ? Écoutez, moi, je crois que le réalisateur idéal pour ce film, ça aurait été Sidney Lumet. L'homme qui a fait 12 hommes en colère, parce que quelque part, on est dans la même configuration, c'est-à-dire qu'on part avec, dans 12 hommes en colère, on se rappelle, c'est un coupable évident, il va être condamné à mort, les 12 jurés se réunissent un soir d'orage dans la salle des délibérations, et ils disent dans 10 minutes, ce sera réglé, puis on envoie la chaise électrique, bon. Et puis, l'un des jurés, Henri Fonda, se lève et dit, attendez, on va peut-être un petit peu vite, il s'agit quand même de la vie d'un homme, si on se posait quelques questions. Et en une heure et demie de film, tout va se être bouleversé, et finalement l'accusé pseudo-coupable va être innocenté. C'est un petit peu la même chose qui se passe dans l'histoire d'Amanda Knox, qu'elle a fait 4 ans de prison, plus la souffrance. C'est atroce d'être accusé à tort. Bien sûr. Alors déjà, c'est très dur d'être en prison. Bah, parfois, ça n'est pas sans raison, mais quand on est innocent, on imagine c'est l'un des pires sévices qu'on puisse infliger à un être humain socialisé, civilisé. Ah, ça n'a pas de nom, surtout à 10 000 kilomètres de chez elle, oui. dans un environnement qui forcément lui était hostile. C'était la petite américaine trop riche, trop belle, etc., qui débarquait pour tuer des gens en Italie et salir l'image de l'Italie. Alors évidemment, elle a été clouée au pilori. Dès l'instant où les policiers sont en face d'elle, elle est tellement la coupable idéale. Ouais. Si vous voulez faire un très bon film qui tord le cœur des spectateurs, vous prenez quelqu'un comme Amanda Knox. On l'a fait 1000 fois d'ailleurs, à chaque fois qu'on a une héroïne pure, candide, innocente, on la charge de tous les péchés d'Israël et le film devient quelque chose de formidable. C'est un petit peu le même scénario avec Béatrice Sauber en Thaïlande, une jeune Française. On en reparlera plus tard, on consacrera une émission à cette histoire, peut-être avec vous, car vous en avez écrit un livre. Je reviens à Amanda Knox. Alors, quand on évoque un fait divers, on fait un parallèle avec le film qui pourrait tourner autour de ce fait divers, et c'est normal. Alors, il y a les bons et les méchants dans les films. Bah, le méchant, pour le coup, ce serait Giuliano Minini, donc ce procureur qui semble collecter toutes les dérives que vous avez expliquées tout à l'heure. Hein. On va l'écouter, ce procureur Minini, d'accord ? Et puis on en reparle ensemble juste après. C'est la susceptibilité d'Amanda. Amanda est susceptible. Elle ne supporte pas d'être mise en question. Et elle a tendance à être hostile, à se rebeller contre l'autorité. Elle est un peu anarchoïde. Je ne sais pas si c'est un comportement typique de Seattle. On peut spéculer, mais j'ai préféré m'en tenir aux faits. Ouais, enfin, s'en tenir aux faits, il accuse quand même Amanda sur une intuition. Oui, mais moi je dirais pas que c'est un méchant, c'est pire que ça, c'est un incompétent et c'est un inconscient. Minini, c'est pas Torquemada, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui part avec des idées préconçues dans la tête. Il est convaincu qu'il est le défenseur du bon droit, de la justice, etc. Il ne voit que ça. Et quand il a en face de lui cette, je suis désolé de le répéter, mais elle est très jolie, cette ravissante fille, il imagine très bien la sorcière, vite un bûcher, qu'on l'attache au poteau et qu'on allume le, qu'on mette le feu au fagot. Mmh. Et c'est très fréquent, ce genre de choses, où tout d'un coup, un détenteur du pouvoir de la justice, en face de l'innocente parfaite, se transforme en un monstre assoiffé de sang. Et là, quand il dit qu'elle est anarchoïde. Ouais. Moi, je dirais que non, elle n'est pas anarchoïde. Elle est plutôt arachnoïde. C'est-à-dire que Amanda, c'est la splendeur et la complexité d'une toile d'araignée. Oui, ça. C'est beau, une toile d'araignée, mais c'est très complexe. Hein. C'est difficilement compréhensible. Et lui, Minini, ne cherche pas à comprendre. Il a ses idées. Une fille riche, jolie, américaine, qui vient en Italie et qui s'envoie en l'air avec un garçon qu'elle connaît depuis 8 jours, c'est forcément une sale bête. Oui, parce qu'on l'a dit, il est d'origine catholique, il a des principes, donc pas forcément de tolérance, et donc pour lui c'est une déviance, ça, en fait. La sexualité d'étudiant, pour lui, c'est une déviance. Oh là là, c'est terrible ce qu'elle fait, vous vous rendez compte, elle couche avec un garçon de son âge. Mais c'est terrifiant. Il est beau aussi, le garçon. Enfin, moi, je trouve qu'il est un peu fadasse, mais bon, c'est pas possible. Ce Roméo et cette Juliette, il faut les punir. Ils n'ont pas le droit d'être jeunes et de s'aimer. C'est quelque chose de choquant. Faut dire que Minini n'est pas particulièrement Roméo, lui. Alors, peut-être qu'il souffre aussi de ça. Enfin, c'est évident qu'il fallait pas mettre ces deux personnages face à face. C'était l'eau et le feu. C'est l'acide et la base. C'est explosif. Alors, cette histoire nous renvoie aussi à une vieille tradition des sorcières qui, au Moyen-Âge, n'étaient en fait coupables que d'être des femmes libres. Hein, il y a quelque chose comme ça aujourd'hui, et longtemps tout à après. Fait. Alors, ce qui concerne Amanda Knox, c'est exactement ça. Elle est coupable d'une... Elle est considérée comme une sorcière. On se demande comment on ne lui a pas fait subir l'épreuve de ces épreuves abominables qu'on faisait subir aux sorcières. On les jetait dans l'eau, les membres liés avec un caillou au pied, et puis si elles ressortaient, ah, ben c'est qu'elles étaient innocentes. Évidemment, elles n'ont aucune chance de ressortir. Moi, j'ai toujours été scandalisé par cette histoire et j'ai été fou de joie quand elle a été acquittée, mais je pense que la... Il y a une blessure en elle quand même, une faille qu'elle n'est pas prête d'effacer. On imagine. En janvier 2019, je rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme, saisie par Amanda Knox justement, a condamné l'Italie pour absence d'avocat et d'interprète lors des interrogatoires, et c'est lors de ces premières auditions à la police que la jeune femme a déclaré, avant de se rétracter, avoir été présente sur les lieux du crime. Là, on retombe sur le moment si compliqué, qui peut être parfois d'ailleurs construit l'erreur judiciaire, celui de la garde à vue, enfin qu'on appelle la garde à vue ici en France. Oui, dans le début de votre émission, il y avait une phrase que je ne connaissais pas, mais que j'ai trouvée extrêmement révélatrice. C'est le policier qui dit « On est bien content d'avoir trouvé la vérité si vite. La presse nous avait mis la pression. » Quel aveu. Et ça, c'est quel aveu. Quel aveu. Moi, je faisais tout de suite référence à l'affaire Grégory, où on sait à quel point la presse, ou l'affaire Dominici, c'est plus vieux, mais c'était pareil. Ce sont pas des journalistes mal intentionnés, mais c'est simplement une meute. Ils sont très nombreux, ils font beaucoup de bruit, ils crient à haut, et les policiers ont peur d'être accusés de mal faire leur boulot. Alors, vite, ils vont chercher le coupable le plus évident, voire le plus spectaculaire dans le cas d'Amanda Fox, et il le livre à la populace. J'ai envie de dire d'ailleurs, parce qu'on accuse souvent la presse, il n'y a rien de corporatiste chez moi dans cette affirmation, mais après tout, la presse fait son travail, c'est à la justice et à la police de fixer les limites, de fixer leurs limites, quoi que dise la presse. La presse fait remarquablement son travail, mais on interprète parfois le travail de la presse. D'abord, disons que la presse, elle est, il y a de nombreux journaux qui n'ont pas la même. C'est pas une question d'opinion ni de couleur. C'est une question de, je veux dire, quand on fait du tabloïd ou quand on est un journal de profondeur d'investigation, etc. C'est pas le même discours. Bien sûr. Et c'est pas le même public non plus. Mmh. Et ça peut changer complètement le destin d'un condamné. Moi, dans les faits divers qui me passionnent, dont j'ai parlé, que je connais, etc. Je dirais presque dans 9 cas sur 10, je suis tombé sur des déviances qui sont dues à une mauvaise interprétation de ce qu'on dit les journalistes qui disaient, eux, une forme de vérité, mais c'était mal lu. Mmh. C'était mal compris. Quand vous avez au cinéma, vous voyez un film, un polar, et puis avant la fin, 10 minutes avant la fin, vous êtes persuadé que vous avez trouvé le coupable. Mais c'est pareil avec ce genre de choses. Les premiers articles qui sont sortis sur l'affaire d'Amanda Fox, les gens étaient convaincus que c'était elle. Il n'y avait pas la place pour l'ombre d'un doute. Alors il se trouve qu'en juin dernier, hein, c'est tout récent, Amanda s'est rendue en Italie pour la première fois depuis son premier acquittement en 2011. En larmes, elle s'est exprimée dans le cadre d'un congrès à Modène intitulé « Condamnations injustifiées et populisme judiciaire ». Écoutons. Sur la scène internationale, je n'étais pas une prévenue. Présumée innocente jusqu'à preuve du contraire. J'étais une pute, sournoise, psychopathe, sale et droguée. Coupable jusqu'à preuve du contraire. En vérité, aujourd'hui encore, j'ai peur. J'ai peur d'être harcelée, moquée. J'ai peur d'être piégée. J'ai peur que de nouvelles accusations tombent sur moi, juste parce que je viens ici raconter ma version des faits. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier Decoin? J'ai trouvé très courageux le fait qu'elle aille en Italie. Moi, j'étais tellement content qu'elle soit rentrée à Seattle et que, voilà, je sais que les États-Unis n'extraditent pas leurs ressortissants. Mmh. Et donc, je me dis, voilà, Amanda, elle est sauvée. Et quand elle a pris cette décision, c'était complètement folle, parce qu'elle peut très très bien, pour X ou X raisons, se faire arrêter pour un... Bien sûr. Et je trouve qu'elle a fait preuve d'un très grand courage, mais c'est parce qu'elle avait besoin, elle a besoin d'être reconnue comme innocente. Ça lui suffit pas qu'on le dise. Je veux dire, elle a besoin d'être, que ce soit repris par, elle aime l'Italie. Elle l'a dit à cette fois avant d'être accusée et même après. Elle aime ce pays. Regardez comme elle parle bien l'italien. Mmh. Dire, évidemment, 4 ans de prison, hein, c'est bon. Mais ça a été facile pour elle de l'apprendre. Mais elle aime vraiment profondément l'Italie, la culture italienne. Et c'est forcément douloureux pour elle de penser qu'il y a une poche de haine. Il y a 2 poches de haine à son égard. Il y a l'Italie et puis il y a la Grande-Bretagne, parce que Meredith, qui était une jeune fille exquise aussi de son côté, Meredith, elle est anglaise. Et bien évidemment, les Anglais ont pris très très mal le fait que Amanda soit considérée, la justice ait rendu sa liberté et son innocence à Amanda. Et il faudrait qu'elle aille faire aussi un petit tour en Angleterre. Dire, regardez-moi. Alors moi, j'encourage beaucoup les auditeurs, ceux que cette histoire a pu intéresser, d'aller, je le dis pas souvent parce que je pense que la radio est un média qui se suffit à lui-même, mais là, exceptionnellement, d'aller sur le net et d'aller chercher des scènes du procès d'Amanda Fox. Il y en a. Et on voit Amanda Knox, pas Fox, et on voit à quel point dans son regard, il y a un désarroi, il n'y a pas d'insolence, jamais. Il n'y a pas de dédain, il n'y a pas de « je vous ai bien eu ». Elle est soit une petite fille perdue, soit une innocente qui voudrait que tout le monde reconnaisse sa innocence, bien sûr. Ce sera le mot de la fin, Didier Decoin. Je vous remercie infiniment. Au revoir, à bientôt. Merci à vous, au revoir Fabrice. Au revoir. C'est des affaires sensibles aujourd'hui. Amanda Knox, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Grégory Wallon qui était à la technique aujourd'hui.